LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. En raison de ses exigences tous les jours accrues, l'automobile soumet la ville et lui dicte sa loi. De vastes ouvrages sont nécessaires, tels l'échangeur du pont de Sèvres. Du boulevard périphérique qui ceinturera Paris, un tronçon est déjà terminé. Porte de Sèvres, porte de Versailles, porte d'Ivry, porte d'Italie et porte de Vitry. On se promène pas, nous, on baisse pour aller. C'est vrai, quoi. Oui, parce que les gens oublient, ou alors on ne le sait pas, c'est que Paris commence en banlieue, en fait. Oui, on croit que Paris commence à l'intérieur du périph', c'est-à-dire qu'on est en banlieue, on traverse le périph', et là, on arrive, psychologiquement, on arrive à Paris. Mais en fait, on est arrivé à Paris avant de passer le périphérique. Le périph', après tout. Camille Jusa, Benjamin. Il y a des panneaux Paris qui l'indiquent, d'ailleurs, tout autour de Paris, il y a des panneaux qui indiquent ça. Et moi, un jour, j'ai découvert le travail d'un photographe polonais qui s'appelle Eustache Kosakowski. Et il a fait en 1970, il venait de s'installer à Paris avec sa femme, il était photographe, donc il est venu prendre tous les panneaux de Paris à 6 mètres de Paris. Donc il a fait exactement la même photo de Paris qui était centrée au milieu de sa photo, et il s'est reculé de 6 mètres et il a fait 150 photos autour de Paris. Et j'ai trouvé en fait ce témoignage de Paris assez étonnant, parce qu'en fait il montrait comment on rentre dans une ville. Donc en 1970, le périph' allait être bientôt terminé, donc on voit que parfois c'est le périph' qui finit la perspective derrière Paris. Il est là, avec ses bretelles d'accès, ses échangeurs, ses ponts jetés vers la banlieue, son double ruban rouge et blanc quand les feux des voitures s'allument à la nuit tombée, et il a l'air immuable, comme une sorte de manège ou de roue de hamster mue par un mouvement perpétuel, avec à son bord des voitures qui tournent depuis 50 ans sans qu'aucun feu rouge jamais ne les arrête. On ne se souvient pas de la ville sans lui, il est arrivé avant nous, et d'ailleurs, il est si massif, si lourd, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir avant ? À ses marges, on ne comprend pas tout à fait la ville. Il y a ce chapelet de cimetières, de lycées, de squares, tout cet ovale de stades, de terrains de foot, de pistes d'athlétisme comme une doublure, et on se demande quel urbaniste malade a pu décider de faire se côtoyer des sportifs et des voitures. On se pincerait presque en écoutant l'inauguration en grande pompe par le Premier ministre en personne, en 1973, si content de lui et de ce que la France se soit dotée d'un tel objet. Car oui, comment l'idée d'une autoroute urbaine, cisaillant à ce point la ville, aveugle et sourde aux habitations qu'elle vient parfois frôler, a-t-elle bien pu sortir du cerveau des aménageurs ? Épisode 2. Soudain, le périph'. On a tous une relation au périphérique de Paris, qu'on soit parisien, parisienne, qu'on soit visiteur, qu'on soit provincial, qu'on soit touriste. Soit on le prend en bus, on le prend en voiture, on le traverse à pied. Justinien Tribillon, urbaniste. Donc on a tous une légitimité à avoir une opinion sur cet espace-là. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point il y avait un vaste champ d'opinions plus ou moins construites et plus ou moins intéressantes sur le périphérique de Paris, mais très peu de travaux historiques pour savoir comment il avait été construit, comment il avait été pensé, et déconstruire ces mythes ou ces a priori qu'on a par rapport à cet espace. Par exemple, qu'il est enterré dans les arrondissements et les villes de banlieue les plus aisées, et qu'il est très visible quand il fait la connexion entre des quartiers ouvriers et des villes ouvrières ou des villes communistes. Personne n'avait jamais vraiment fait le travail d'aller voir comment le périphérique avait été pensé, par qui, le resituer dans son contexte, et comment on pouvait comprendre les choix des uns et des autres. Pourquoi il est en viaduc quand il est à Porte Pouchet ? Pourquoi il est enterré quand il passe au niveau du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes ? Tribune de Paris. Radiodiffusion française, 1946. Les automobilistes se plaignent de la circulation à Paris. Les piétons, de leur côté, n'en sont pas davantage satisfaits. Que fait-on ? Que peut-on faire ? Que va-t-on faire pour résoudre ce problème ? L'histoire de cette ceinture, c'est une histoire un peu complexe qui nécessite de revenir dans le temps, presque à 2 siècles d'aujourd'hui. André Lorty, professeur d'architecture. Puisque le tracé de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est une image mentale forte de la part non seulement des Parisiens, mais bien au-delà. Cette forme un peu comme ça, arrondie, incertaine. En fait, cette forme, elle est décidée dans les années 1830. On considère qu'il serait opportun de fortifier Paris, considérant que le territoire national n'est peut-être pas un glacis suffisant pour protéger la capitale de la France. Et d'ailleurs, ce sera bien démontré en 1870, lorsque l'armée prussienne prendra le train pour venir à Paris et assiéger la capitale. Longtemps, on a questionné ce découpage du territoire en s'interrogeant si cette ligne qui sera celle du mur fortifié de Paris construit entre 1840 et 1845, si son tracé avait un caractère politique. En fait, pas du tout. C'est un tracé strictement militaire, de maîtrise du territoire lointain. Donc, il faut bien comprendre que cette enceinte militaire, c'est un système qui associe 3 entités. Le mur d'enceinte, bien sûr, il lui fait entre 110 ou 130, parfois un peu plus, 140 mètres d'épaisseur. Côté Paris, il est doublé d'une route. Ce sont les 40 mètres des boulevards des Maréchaux. Et devant ce mur, c'est la 3e entité, une zone non édificandie, qui est indissociable du système militaire, puisque cette zone sur laquelle il est interdit de construire, zone non édificandie, vise à préserver une distance de vue de l'ennemi qui pourrait se présenter devant l'enceinte militaire à l'époque. Voici l'envers du décor. Nous venons de pénétrer dans le territoire de la zone. C'est là où la question de la zone est essentielle. Les 2 clochards que vous voyez ici sont les plus déshérités de la zone. Si les zoniers ont leurs habitations, ces 2-là sont sans abri. C'est une règle militaire. Devant toute enceinte se déploie une zone. Elle fait 250 mètres de profondeur. Cette zone, en revanche, elle appartient à des milliers de propriétaires de ces petites parcelles maraîchères à l'époque, devant l'enceinte militaire. Donc, évidemment, par anticipation, on comprend bien que ces 250 mètres sont dérisoires eu égard à la portée de l'artillerie de l'époque, qui est mise au point notamment par les aciéries Krupp en Allemagne et qui sont installées dans les forts militaires devant l'enceinte en 1870, au moment du siège de Paris, et qui n'auront aucune difficulté à canonner jusqu'au plein centre de la ville. La pression immobilière est donc forte sur ces 250 mètres sur lesquels il était interdit de construire. Les constructions y seront tolérées à partir de la fin des années 1890, ce qui fait qu'émerge une ville. On y retrouve des roulottes, on y retrouve également des bicoques et des cahutes construites en matériaux légers. Il y a des constructions, mais il y a aussi toute une exploitation maraîchère. Le fossé de l'enceinte lui-même est un lieu de culture et il sera d'ailleurs très exploité pendant la Première Guerre mondiale. Ces constructions précaires, facilement destructibles, apparentent tout à fait la zone. Hein, mais non, on dira la zone. Ça vient de là, oui. La zone, les zoniers, avant les zonards. Le poète en guenille, des rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruand. Les héros populaires, des refrains d'avant-guerre, sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit. Et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julot, Nili, Casque d'or et Petit Louis le Costaud? Si célèbre alors, que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons. Cette zone là a été complètement abandonné après la guerre de 70, parce qu'on a vu que ça servait strictement à rien. Julien Donada, cinéaste. Donc, les pauvres ont commencé à s'installer là, les gens qui se sont fait expulser de Paris à cause des travaux de Haussmann, mais les gens aussi qui n'arrivaient pas vraiment à rentrer dans Paris, qui voulaient venir à Paris, mais qui n'avaient pas de logement. Donc, c'est une zone sur laquelle il y avait ce qu'on appelle les zoniers. Ils étaient énormes, enfin, c'était des milliers de personnes qui habitaient là, qui plantaient, il y avait des maraîchers, il y avait plein de choses. C'était un endroit très vivant. On est à la porte de Montreuil, qu'on arrive beaucoup moins à lire maintenant, qu'elle était aménagée pour des vélos avec des blocs de béton. C'est un endroit que je trouve intéressant parce qu'on arrive à voir, surtout l'hiver, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, on arrive assez bien à voir les HBM qui sont de l'autre côté du périph et donc qui sont de Paris. Il se trouve que c'est assez ironique parce que quand il a commencé à avoir des Roms à Paris, ils sont venus à l'endroit même où 150 ans avant, les pauvres se mettaient dans des baraquements. Et ils ont reconstruit exactement les mêmes baraquements qu'on faisait avant, au mètre près, des choses de la récupération en bois et des choses comme ça. Et évidemment, ils ne sont pas au courant, mais il y a quand même une fatalité de se dire que quand on est pauvre, eh ben, on vient à la lisière de la ville, on vient dans les coutures et qu'on vient se cacher là. Évidemment, cette zone qui n'existe plus, cette zone non constructible, on a construit dessus le périphérique. Eux viennent se glisser entre le périphérique et la banlieue. Sur les contre-allées, dans les coins, ils se cachent partout et on voit des tentes ou alors beaucoup de petits baraquements. Il y en a juste là, à 100 mètres là-bas. Je les ai vus construire. C'est des Roms qui sont arrivés. En un week-end, ils ont construit un village avec la récupération. Et c'est assez émouvant, je trouve, de voir que au même endroit, exactement au même endroit, l'histoire continue. Alors qu'on a enlevé des fortifications, la ville est plus, soi-disant plus ouverte. Et on a construit un périphérique. Dès les années 1880, les conseillers municipaux imaginent pouvoir remplacer ce mur d'enceinte par un chapelet d'immeubles. Le tournant 19e-20e siècle, c'est aussi celui de la naissance de l'urbanisme en tant que, certains diront science, d'autres art. La question des espaces, ce qu'on appelle les espaces libres, se pose. Certains considèrent que c'est une opportunité pour Paris d'avoir ces grands espaces libres, cette ceinture d'ailleurs d'espaces libres autour de Paris. Deux grands projets s'affrontent. Un projet qui conçoit une succession de cordons d'immeubles entrecoupés de grands parcs. Un autre projet est celui astucieux de la part du rapporteur du budget de la ville de Paris, à l'époque, M. Louis Doucet, qui consiste à proposer que la zone non édificandie soit transformée en jardin et que l'enceinte militaire, propriété de l'armée achetée par la ville de Paris, elle, soit valorisée par la construction d'immeubles. Et on voit là tout le paradoxe, puisque et évidemment, c'est la zone qui est occupée par les habitants. C'est elle qui est construite et qui n'était une zone non édificandie, mais elle ne l'est plus. Tandis que l'enceinte militaire, elle, évidemment, n'est pas construite. Du temps que cette vieille dame en noir allait encore à l'école, c'était la campagne ici. Le projet, il avait mûri pendant très longtemps. Des réflexions commencent à se faire jour, même à la fin du 19e siècle. Marie-Jeanne Dumont, professeur d'architecture. C'est l'enjeu d'une élection municipale au début du XXe siècle. Et donc, petit à petit, l'idée de ces deux anneaux concentriques, un anneau de bâti et puis un grand parc annulaire qui l'entourerait, il s'impose donc dans les années 1910. Mais pour le concrétiser, on n'a pas dessiné un projet. On a d'abord fait une négociation foncière entre la ville et l'État. Les terrains de l'ouvrage militaire appartiennent à l'État. Pour qu'on puisse y construire quelque chose, il faut les vendre à la ville. On va acheter Et la revente va nous permettre de construire des logements. Et à l'origine, on imaginait des logements ouvriers, bien sûr, parce que on est en pleine crise du logement. Et puis, des logements de toutes les catégories de logements bourgeois. Et on imaginait que la ceinture verte, l'anneau végétalisé qui viendrait autour, valoriserait les terrains. Et donc, tout le mécanisme part d'une valorisation hypothétique par l'anneau vert. S'il n'y a pas l'anneau vert, l'anneau bâti ne peut pas être construit. Dans un deuxième temps, on a réfléchi à la voirie. Est-ce qu'on va faire des grands îlots, des petits îlots, des moyens ? Et on a opté pour des petits îlots parce qu'on a pensé que ce serait plus facile à vendre. Et on a ensuite imaginé l'architecture. Alors, tout le monde se plaignait de la densité intérieure du Paris ancien. Donc, on a imaginé des cités-jardins. Cet aspect hygiénique est non négligeable. Il fait partie des données qui sont prises en compte par cet urbanisme naissant. L'idéal de la cité-jardin est débattu en ce qui concerne Paris et la ceinture verte. L'anneau d'immeubles construit sur l'enceinte militaire est indissociable de l'anneau de parcs et jardins qui est imaginé pour la zone non édificandie. Mais plus encore, le découpage des îlots construits sur l'enceinte militaire cherche à ouvrir le plus de vues possible vers cette ceinture à venir de parcs et jardins. On n'a pas pu conserver ce modèle de cité-jardin parce que entre le moment où on a rêvé ce plan et le moment où on a commencé à le mettre en œuvre, eh bien, il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale change complètement la donne d'un point de vue économique. Le coût de la construction est multiplié par 4, c'est quand même beaucoup. Donc tout l'équilibre économique qui avait été mis sur le papier en 1910-13, à peu près, juste avant la guerre, se trouve caduc en 1920. Donc, on va demander aux architectes et aux bailleurs sociaux de remonter le gabarit de leurs immeubles. Là où l'office d'HLM de l'époque croyait faire des bâtiments à 3 étages, on va lui demander de faire des bâtiments à 6 étages. Et comme le prix de la construction ne descend pas dans les années 20, eh bien, on va rogner sur les parties végétales. Là où on imaginait un parc, on va faire un tout petit square. Là où on imaginait un square, on enlève le square. Donc, on va revenir à des densités de plus en plus féroces et des hauteurs au maximum des possibilités des règlements d'urbanisme. Si bien qu'à la fin, on revient à quelque chose qui est aussi dense que le Paris intramuros. Et le Paris intramuros haussmannien. Les architectes qui travaillent dans les agences de ces premiers bailleurs sociaux avaient communication de plans dans lesquels, à côté des terrains où ils dessinaient des logements sociaux, se trouvait ce grand parc annulaire, alors qu'on avait, à l'époque, ils l'appellent ceinture verte. Ce n'est pas seulement des parcs, on avait imaginé aussi beaucoup de terrains de sport. Et puis, il fallait mettre aussi quelques cimetières. Donc, c'était végétal, mais enfin avec quelques usages différents. Et les architectes, donc, ne culpabilisent pas quand ils font le plan de toute une zone d'habitation avec de tout petits squares, parce qu'ils sont persuadés que leurs logements vont s'ouvrir sur des parcs. C'est pas la peine de faire des jardins d'enfants, puisque les enfants iront jouer de l'autre côté de la rue. Sauf que ce parc n'a jamais été aménagé. Paris, la ville lumière, jouit dans le monde entier d'un incomparable prestige. Le nombre et la beauté de ses monuments, la merveilleuse ordonnance de ses places, de ses avenues, de ses promenades, en ont fait la ville la plus aimée du monde. Cette ceinture de jardin nécessite l'expropriation de ses plus de 5000 propriétaires et le relogement des populations qui habitent cette zone. Le projet est contesté par les habitants de cette zone et par les propriétaires. Un arrêt des expropriations a lieu en 1930. Un plan chronologique d'expropriation est mis au point, dont la durée théorique est qu'il s'achève en 1972. Quand on est en 1930 et qu'il y a une crise économique dramatique, il ne s'agit pas d'exproprier les gens des petites baraques qu'ils occupent tant bien que mal. Donc, on a décidé de les exproprier virtuellement, de les laisser en place ce qui veut dire qu'on avait renoncé à faire le grand parc urbain. Puisqu'est le bidonville, les terrains qu'on imaginait vendre à des spéculateurs pour faire des immeubles bourgeois, eh bien, ils ne trouvent pas preneur. Puisqu'ils ne trouvent pas preneur, on va y mettre des logements sociaux financés sur fonds publics. Mais les logements sociaux, à leur tour, ne trouvent pas preneur parce que la crise économique fait que ceux à qui ils s'adressent n'ont plus les moyens de les louer. Ou alors, parfois, certains logements, tout neufs, sont restés vides pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, ça a été une opération très très mal conçue, très mal menée, avec des enchaînements d'inconvénients qui n'avaient pas du tout été pesés à l'origine. En bas de la côte, j'ai vu des ouvriers remuer de la terre. L'un d'eux me dit « Fini la zone ». Demain, ici même, il y aura un grand boulevard. Alors j'ai songé que bientôt aussi, nous ne pourrons plus y jouer, que les clochards n'y viendront plus dormir, que les boulistes n'y tireront plus de boules. Kilomètres, c'est beaucoup, c'est un terrain énorme. À l'époque, c'est déjà très très controversé. Et par exemple, tous ceux qui plaidaient pour le logement social comme régénérateur du peuple, pour moraliser le peuple, l'éduquer à l'hygiène, l'éduquer à la vie de famille, eh bien disent, mais ce n'est pas possible de mettre à côté des logements tout neufs où on espère que des familles goûteront à la vie de famille avec le repas du soir, les enfants bien propres, le jardin d'enfants, les équipements sanitaires, hygiéniques et scolaires juste à côté, et les taudis en face. Certains disent, mais alors si les enfants des habitations bon marché vont jouer avec les enfants des bidonvilles, comment seront-ils éduqués? Donc c'était vraiment très controversé, très discuté et très critiqué. Et Le Corbusier a eu des mots très cruels. Il parle de 33 km de honte, de familles encavées, de taudis tout neufs, d'enfants qui ne verront jamais le soleil. Et le fait est que c'est une architecture où les bâtiments portent ombre les uns sur les autres. Et beaucoup de logements ne voient jamais le soleil dans ces opérations. C'est assez fou de penser que cette ceinture d'immeubles, si identifiée, si reconnaissable aujourd'hui, répétée à toutes les portes, c'est l'histoire d'un ratage. Pourtant, ces immeubles, tous construits en briques parce que ça n'était pas cher, marquent une entrée assez solennelle dans la ville. Ces immeubles un peu hauts, un peu austères, ont une petite rigidité, un air un peu guindé, comme pour dire « attention, ici commence le Paris constitué après le petit chaos de la banlieue ». Et c'est assez sympathique de se dire que ce que montre Paris à ses arrivants, ce sont des logements sociaux. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de rêver à ces cités-jardins qui auraient fait le tour de Paris. Tout le monde probablement aurait voulu y vivre, surtout si elles avaient fait face à un long parc, un bois, une forêt. Parce que c'est ça la chose la plus folle. C'est comment le projet d'un grand parc imaginé dans les années 20 a pu se transformer en projet d'autoroute. Comment cette zone, qui ressemblait déjà à un cimetière à projet, a-t-elle pu vivre un tel renversement de l'histoire ? Donc l'idée d'une rocade autour de Paris est finalement une idée assez classique qui va émerger dans la plupart des villes américaines d'abord, mais européennes dans l'entre-deux-guerres. Justinien Tribillon, urbaniste. Déjà en 1934, 35-36, on a ce qu'on appelle le plan Prost, qui donc s'intéresse à tout ce qu'il y a autour de Paris, donc qui n'étudie pas Paris intramuros et un éventuel boulevard périphérique, mais qui tout de même le mentionne dans le texte. Donc l'idée d'une rocade périphérique, elle est déjà bien présente à ce moment-là. On imagine qu'il serait opportun de doubler le boulevard des Maréchaux d'une voie extérieure avec des passages dénivelés aux portes principales, comme on commence à les réaliser le long du boulevard des Maréchaux, à la porte d'Italie ou à la porte de Saint-Ouen, par exemple. Et ce boulevard, initialement, ni plus ni moins que la reproduction un peu systématisée et optimisée, disons, du boulevard des Maréchaux, mais à l'extérieur de Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1940, 41, 42, 43, on a un véritable intérêt de la part des technocrates de Vichy pour la zone. L'État français, comme il s'est renommé, va accélérer les choses en matière d'éviction des habitants de la zone, ceux qui y restent, les zoniers, ceux qui restent dans cet espace-là. C'est un chantier historique qui est encore en cours, où il y a plein de questions non résolues, mais ça fait froid dans le dos de voir que le 15 juillet, on a une nouvelle loi pour l'éviction de la zone, le 16 juillet et le 17 juillet, c'est la rafle du Veldiv. Donc on a cette ceinture lépreuse, je cite le maréchal Pétain, cette ceinture lépreuse qui doit être nettoyée de ses habitants. Et évidemment, tout ce discours qui mélange race, hygiène, futur de la France, qui se mélange et qui se cristallise autour de cette zone de Paris. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, cette zone sera, entre guillemets, livrée, essentiellement dégagée de ses occupants par l'armée. En 1943, on a aussi un rapport par l'inspecteur chef de la topographie et de l'urbanisme de la ville de Paris, qui s'appelle René Mettet. Il finit sa carrière, il veut la finir en beauté. Donc il produit un rapport très dense, presque 200 pages, avec des cartes en couleur, ce qui n'est pas anodin en période de pénurie. Cet état vichiste est vu comme une opportunité pour aller plus vite, par beaucoup. Et donc on a ce rapport sur l'avenir de Paris, où est mentionné pour la première fois un boulevard périphérique. Et ce qui est très troublant dans ce qui est écrit dans ce rapport, dans le chapitre qui est dédié au boulevard périphérique, c'est la dimension culturelle qui est investie dans ce boulevard périphérique. Son rôle de séparateur entre Paris et la banlieue, ce boulevard périphérique devrait être assez large pour véritablement marquer la différence entre Paris et banlieue, pour éviter que, une fois encore, Paris ne coule dans sa banlieue et ne soit handicapé pour les 100 ans à venir. Il fait référence à l'extension de Paris en 1860, le moment où Paris a intégré la Villette, a intégré Ménilmontant, a intégré Montmartre dans ses limites administratives. Et il faut éviter que Paris s'étende en banlieue et intègre ces villes de banlieue qui à nouveau vont la salir, entre guillemets, et pour maintenir l'ordre et la beauté, je cite l'ordre et la beauté, un boulevard périphérique est intéressant et nécessaire, assez large, à la fois pour accueillir le trafic futur, mais également pour bien marquer la différence entre Paris. Et là, il cite une série de villes, Pantin, Malakoff, qui sont en vérité des villes communistes. Donc, bien marquer cette différence entre le Paris bourgeois et le Paris ouvrier. Et ce qui est également intéressant, c'est les références esthétiques qu'il mentionne. Il parle de Paris grand salon de l'Europe. Il parle également de réaliser de grandes tours symétriques pour marquer les entrées de la ville. Donc là, on a l'imaginaire médiéval, à nouveau, sur la ville fortifiée qui repousse les invasions barbares, qui seraient les barbares étant plus les personnes de la banlieue plutôt que les Allemands, dans ce contexte-là. Il y a également une référence à ce boulevard périphérique qui pourrait être entouré de grands projecteurs, l'équivalent de projecteurs antiaériens. C'est à l'époque une invention d'Albert Speer, qui est le grand architecte de l'Allemagne nazie, qui a inventé une architecture de lumière pour les grands rassemblements nazis. Donc c'est un drôle de mélange que ce rapport de 1943, et qui pourtant est fondateur et qui est cité par la suite au moment où vraiment on va passer à l'action et qu'on va construire ce boulevard périphérique. Bien, actuellement, évidemment, le problème de la circulation ne se pose pas. Radiodiffusion française, 1946. Mais il est à prévoir, il est à craindre que dans, mettons, 2 ans ou 3 ans, lorsque la liberté de commerce aura été rendue aux automobiles et à l'essence, il est à craindre lorsque le nombre de voitures circulant dans la capitale aura doublé ou triplé, que le problème se pose avec une acuité particulière. Attendez, en 1946, il y a probablement plusieurs heures de coupure d'électricité par jour. Il n'y a pas d'acier. Le plan Marshall est encore en discussion au Congrès américain et se profilent les très grandes grèves de 1947 et 1948. Personne n'a de voiture, personne ne sait comment on va réussir à en fabriquer pour tout le monde et pas cher. Et à la radio française, on discute de l'avenir de la circulation à Paris. Car personne ne doute d'une chose, c'est que le salut de la France passera par l'automobile et qu'il faut lui faire une place de choix. On en revient toujours au problème de la rue. Paris, évidemment, a été construite à différentes époques, et au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps, les voies s'élargissaient, seulement nous arrivons tout de même à une époque où les voies, quelles qu'elles soient, arrivent tout de même à être trop étroites et où se pose le problème de savoir s'il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, dépasser le système de la rue, c'est-à-dire passer dessus ou passer autre part. Moi, je vais vous proposer qu'on circule, on appelle, puisque les toits de Paris sont à peu près au même niveau, qu'on fasse dériver une partie de la circulation, peut-être une partie des piétons, une partie des cyclistes, sur les toits de Paris, les immeubles étant reliés par des petits ponts en plastique. Cet esprit technocratique qui a connu une sorte d'apogée durant Vichy se poursuit par la suite. Il y a vraiment une volonté réformatrice de construire la modernité, de construire la ville de demain. Alors est-ce que l'idée de la Barthe vous paraît ou non saugrenue ? Oh, messieurs de la déjà, je propose quelque chose, je suis bon joueur, je suis bon zig, je propose quelque chose, on dit saugrenue. Donc évidemment, on a ce fantasme de la voiture. Kirsten Ross, aux États-Unis, qui a publié un livre dans les années 90, je pense, qui s'appelle Fast Cars, Clean Bodies. Je crois que la traduction en français, c'est rouler plus vite et laver plus blanc. Et donc, ça représente bien cet esprit de l'après-guerre, qui est cet appétit pour les choses nouvelles, pour le plastique, pour la propreté. On va déchanter collectivement après cela, mais évidemment, à ce moment-là, il y a ce désir de la voiture et cette idée que le futur est voiture. L'augmentation du trafic automobile à Paris est énorme à ce moment-là et va encore plus vite que ce qu'on pouvait anticiper. Lorsque l'on crée le boulevard périphérique, c'est sur fond d'explosion de la circulation automobile. On est au niveau français, à 4 millions de véhicules en 1938, pour toute la France entière. Mathieu Flonneau, historien. Et ce 4 millions de véhicules, il est pour la région de Paris atteint dans les années 1960. Mais c'est une période à laquelle on gagne près de 100 000 véhicules par mois. Et donc, ce développement, il est absolument considérable, et il est fondé sur quoi ? Mais sur le désir des populations de se motoriser. Et donc, il y a un rêve d'automobilisme au cours de cette période qui traverse la société française. Les constructeurs français construisent des gammes cohérentes, des gammes avec des véhicules d'entrée de gamme, et on va monter en gamme, parce que le niveau de vie augmente. Ça va recommencer. Noël approche. La ruée vers les magasins, les départs en masse, ça recommence. Après un mois d'accalmie relative, Paris risque à nouveau l'embouteillage permanent. Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Eh, si ça roule bien, ça roule très bien, vous parlez. On a mis une demi-heure pour venir du pont de Grenelle. Moi, je pense qu'une chose qu'elle est mal réglée, il faudrait m'y mettre, moi. Je foutrais d'abord pas mal de voitures en l'air qui n'ont rien à, qui ne servent à rien du tout. Qu'à se promener, les femmes surtout l'après-midi, elles iraient au bois de Boulogne. Ne m'en parlez pas, c'est une chose absolument abominable, non ? Oh non, non, non, c'est l'anarchie complète et tout autre commentaire affaiblirait ma pensée. Je n'arrive jamais à Cannes. La prospérité augmente à vitesse grand V à cette époque-là que le périphérique vient représenter. Finalement, c'est un accotement d'une ville-monde qui se construit et qui s'ouvre sur le monde, avec des aéroports, avec des infrastructures lourdes, primaires, de transport public. Vous allez sur la côte ? Ok. Donc le boulevard périphérique est voté en décembre 1954 par le conseil municipal de Paris, présidé par Bernard Lafay, qui est un homme politique de droite, qui a été d'une grande importance dans toute l'après-guerre et jusqu'à sa mort en 77. Justinien Tribillon. C'est aussi un médecin, donc c'est un intérêt de formation, un médecin généraliste. Et donc il présente au conseil municipal en décembre 1954 une sorte de pamphlet qui explique que Paris se meurt et qui multiplie les analogies organicistes, donc où on compare la ville à un corps. Paris se meurt, les artères sont bouchées, on n'y respire plus. Et la solution, qui peut être surprenante pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de réduire le nombre de voitures, ce n'est pas de faire un régime et de faire plus de sport, c'est d'agrandir les artères. On va construire de nouvelles routes, on va les agrandir pour permettre d'accueillir le trafic automobile d'aujourd'hui et de demain, et du coup d'éviter que Paris ne meure de ces embouteillages. Le plan programme est fait en 1952, c'est un plan assez étonnant d'ailleurs, c'est un plan un peu ce que j'appelle parfois un plan liquide, sur lequel on voit des grandes flaques qui viennent de la ceinture, qui rentrent dans Paris, qui s'immiscent en périphérie, etc. André Lortie. Le dessin qui en émerge est un dessin assez généreux. On imagine faire une grande voie que l'on pense comme un parkway, donc une voie promenade, abondamment planté. On imagine, dans les années 50, que convergeraient dans ce grand espace ouvert, les habitants de la périphérie et de Paris, vers des équipements publics communs. Et on pourrait là retrouver ou trouver ce lien qui avait été fortement entravé par la construction du mur de l'enceinte au XIXe siècle. Évidemment, il suffit de s'y rendre aujourd'hui pour voir à quel point ce projet a été contredit par l'histoire, puisque ce grand parcours fluide et liquide, qui était le lien de connexion de ces grands immeubles, qui constituent en quelque sorte un grand ensemble linéaire autour de Paris, est devenu le boulevard périphérique que l'on sait. La pression autoroutière a transformé cet ouvrage en autoroute lui-même, et avec un profil en travers de 2x4 voies dans ses sections ordinaires, et qui est vraiment devenu cet anneau indispensable, la question est ouverte, cet anneau qui rend cohérent, disons, le système de route magistrale de l'agglomération parisienne. À côté de chez moi, on a commencé un pont en béton. Cette semaine, on arrache tous les arbres du boulevard Masséna. Il y a une bascule qui se fait au début des années 60. À nouveau, on la voit dans les archives. On va transformer ce boulevard périphérique, cette grosse rocade, en autoroute urbaine, qui sera du coup déconnectée du tissu urbain dans lequel elle s'ancre. Et tout d'un coup, il n'y a plus d'accès. Tout d'un coup, les rues des villes de banlieue, mais les rues de Paris également, ne sont plus connectées au boulevard périphérique. Elles doivent passer par les portes. Et tout d'un coup, on a cette autoroute urbaine qui est un objet externe qu'on vient placarder, qu'on vient déposer dans le tissu urbain parisien et qui ne fait pas partie de la vie de tous les jours, qui n'est pas accessible aux piétons et qui n'est pas une infrastructure qui fait le lien entre Paris et banlieue. Et c'est de là aussi que vient sûrement ce désamour, c'est que c'est une infrastructure qui, entre guillemets, elle n'est pas pour les Parisiens et entre guillemets, elle n'est même pas pour les banlieusards. Elle est pour ceux qui viennent de loin, elle est pour ceux qui font le tour de Paris, qui viennent de Lille et qui vont à Marseille, qui leur permet de contourner la capitale sans avoir à passer par la ville centre. Vous réclamez en somme un dictateur pour la circulation. Sûrement pas. Je ne réclame un dictateur dans aucun domaine. Radio-Télévision française, 1962. Et pour Paris, je réclame le contraire d'un dictateur, le droit commun. Une municipalité ayant les mêmes droits que la municipalité de Lyon, de Bordeaux ou de Marseille, par exemple. C'est tout à fait pertinent de rappeler ce moment particulier après la Seconde Guerre mondiale, où l'État prend la main sur tout ce qui est planification d'une part, mais aussi urbanisme et aménagement d'autre part, et se dote des outils nécessaires à la transformation du territoire national. Donc, cette transformation du territoire national passe par la création de ce grand système de mobilité nationale et internationale, donc les autoroutes, et c'est sous la pression de la création de ce réseau voulu par l'État que le boulevard périphérique change de statut. À l'époque, le conseil municipal n'a pas de maire, il est plutôt sous l'autorité d'un préfet. Donc c'est effectivement le poids de l'État et la volonté d'aménager l'ensemble du territoire national joue un rôle en ce qui concerne les décisions qui sont prises concernant le boulevard périphérique, c'est clair. On est à une période où il n'y a pas de maire de Paris. Le peuple de Paris a cette image d'un peuple rebelle et éventuellement ouvrier. Enfin, c'est à la fois un mélange de bourgeois et d'ouvriers. Donc le rôle de maire de Paris est créé en 1789 par la Révolution française. Il est aboli dès 1794 quand le maire Lescaut appelle à la rébellion contre le pouvoir. Il est évidemment guillotiné dans la foulée et le poste est aboli. Il est remis en place en 1848 pour quelques mois. Il est à nouveau aboli, puis il est remis en place à nouveau à la chute du Second Empire en 1870. Et en novembre 1870, on a Jules Ferry qui est nommé maire de Paris, qui le restera jusqu'en juin 1871. De mars à mai, nous avons la Commune de Paris et à nouveau, le pouvoir supprime le maire de Paris à cette époque-là. Donc, de 1793-1794 jusqu'à 1977, on a ce qu'on appelle une tutelle préfectorale. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'État déconcentré, c'est-à-dire le préfet de la Seine, qui deviendra plus tard préfet de Paris, et le préfet de police de Paris. Le préfet de la Seine est en réalité le chef exécutif de la ville. Il se charge, entre autres, de l'urbanisme. Donc on a un boulevard périphérique qui est réalisé par la préfecture de la Seine, donc réalisé par une technocratie parisienne, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de contre-pouvoir démocratique. Ça m'a toujours frappé à quel point le boulevard périphérique n'a pas de créateur incarné, ni d'édile, ni de maire, ni de président, ni de grand ingénieur, ni de grand architecte. Pour le périphérique, c'est anonyme. Moi, je parle d'œuvre anonyme, puisque justement, ça joue sur cette ambiguïté entre le créateur, son œuvre, et la dimension anonyme de cet ouvrage. On a vraiment un objet technocratique, technique, dont la technicité est fantasmée, parce qu'évidemment, arrive la question, qu'est-ce qu'une raison technique? Et on voit bien que le boulevard périphérique, il a des formes, il monte, il descend, il tourne, et que de considérer que tout cela n'a qu'une raison purement technique, en tant que chercheur, en tant que sociologue, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça qui était intéressant, c'était de déconstruire cette raison technique et de mettre en avant, d'essayer de rapiécer, de reconstruire la dimension politique, culturelle, esthétique, qui, tout cela ensemble, construit cet objet technique qu'est le boulevard périphérique. ORTF 1966. Le général de Gaulle a visité plusieurs chantiers parisiens et en particulier celui de la Porte de la Chapelle, qui doit devenir l'un des principaux échangeurs routiers de la périphérie au débouché de l'autoroute du Nord. Il faut décrire ce moment. Il faut imaginer de Gaulle arriver sous l'échangeur de la Chapelle, là où il y a eu tant de campements de fortune depuis. Tout est immaculé. Il descend de sa déesse noire, s'approche l'air solennel d'une immense maquette qui représente l'édifice qui est juste au-dessus de sa tête. Des images comme ça, il y en a des dizaines. De Gaulle qui inaugure l'aéroport d'Orly, De Gaulle à la station balnéaire de la Grande Motte. Derrière lui, ce sont en fait tout un tas de commandos d'hommes en noir qui sillonnent le pays en hélicoptère, en DS, débarquent dans des lieux vierges et se mettent à tout aménager, tout envisager. Notre manière d'habiter, de travailler, de nous distraire, et bien sûr de circuler. Faut s'imaginer l'ouverture d'un périphérique. C'est une route toute neuve, toute blanche. On n'en voit quasiment plus aujourd'hui, en fait, à être là à l'ouverture d'une route. Il y a ce fantasme de la voiture. On n'en a pas, mais on en veut une. Donc, quand De Gaulle visite le chantier de la Porte de la Chapelle en 66, évidemment que c'est grandiose, que c'est une représentation de la France en mouvement, de ce qu'on a appelé après les Trente Glorieuses, et que c'est quelque chose dont on peut être fier. Et d'ici à la fin du périphérique en 73, en fait, ça aura déjà changé. On a évidemment le choc pétrolier qui arrive, mais tout simplement, on a changé d'époque. On se rend compte peut-être beaucoup mieux et peut-être aussi dans sa chair des externalités négatives de cette modernité, de cette technologie d'après-guerre, sous ses formes, de cette architecture d'après-guerre. Il y a une contestation en ce qui concerne la création de ce boulevard, mais elle porte moins sur la pensée urbaine que sous-tend ce type d'ouvrage que sur les conséquences de sa création en ce qui concerne l'habitat populaire, en ce qui concerne ces immeubles qui doivent être détruits pour assurer l'implantation de ces ouvrages colossaux, par exemple à la Porte de Bagnolet, où on n'a pas que une sortie qui concerne la 3 pour aller vers le boulevard périphérique, mais on en a 2, 3, 4, 5, 6 en fait, en fonction des destinations précises, etc. Donc ce déploiement est colossal. Ce déploiement implique la démolition de beaucoup d'immeubles, des démolitions qui seront contestées. Mais en revanche, il y a une forte adhésion, au moins au début de la construction du boulevard périphérique, sur l'option qui est prise d'une ville moderne. C'est intéressant de se concentrer sur ce bois de Boulogne qui est un peu la caricature. On est dans le 16e et le 17e arrondissement de Paris, l'endroit le plus riche de la capitale, qui connecte avec des banlieues elles aussi très aisées. Quand on regarde le périphérique au niveau du bois de Boulogne, il fait une petite boucle. Il passe dans le bois de Boulogne, principalement en souterrain, donc on le remarque à peine. Et évidemment, on a envie de se dire, là où il y a une boucle, il y a quelque chose à révéler, à aller chercher. Et ce qui est intéressant, c'est donc de suivre tout ce débat qui se passe dans le conseil municipal et à d'autres échelles de pouvoir. Et la raison pour laquelle on fait cette boucle, c'est qu'il y a une canalisation d'eau qui serait trop coûteuse à déplacer. mais on voit le groupe communiste n'est pas du tout convaincu. Et en réalité, quand on va dans les archives, on se rend compte que cette histoire de canalisation, elle ne tient pas vraiment la route. Et on voit également toute la pression, notamment de la société des Steeplechase de l'hippodrome d'Auteuil, de tout un tas de résidents du 16e arrondissement de Paris qui, évidemment, n'ont aucun problème pour avoir des rendez-vous personnels en face à face avec le préfet, ce qui est beaucoup plus difficile pour des ouvriers de la porte de Ménilmontant ou de la porte de Vanves, évidemment. Les demandes qu'on retrouve, elles sont très simples. Je ne veux pas que le périphérique passe devant chez moi. S'il vous plaît, faites une boucle. Elles sont « Je préférais que le périphérique soit enterré devant mes fenêtres. Je préférais que le périphérique soit couvert devant chez moi. » Il y a véritablement une volonté des classes les plus aisées, les plus bourgeoises de la capitale, de se protéger devant ce périphérique qui arrive juste à côté de chez elles. Pour moi, ça représente un désastre. ORTF 1970. Parce que mes grands-parents habitaient rue de Passy, mes parents et moi-même, nous avons habité pendant 30 ans la rue Gustave Zédé tout près d'ici. Et je suis navré de voir que le bois de Boulogne est transformé de cette façon-là et dévasté. Alors j'aimerais beaucoup qu'on replante des arbres et que réellement le dommage que l'on fait au bois de Boulogne soit réduit au minimum. Il y a vraiment une capacité des classes bourgeoises parisiennes à défendre leur espace, comme le diraient les sociologues Pinson et Pinson-Charlot. Ce sont des travaux du périphérique qui, à mon avis, me semblent nécessaires, même indispensables. Mais malgré tout, il ne faut pas, à cause de cela, saccager le bois de Boulogne. Il faut, après ces travaux, replanter au maximum de manière que ces travaux-là disparaissent autant qu'il est possible. Et ce qui a été vraiment intéressant pour moi, c'est de réaliser le rôle de Charles de Gaulle dans ce boulevard périphérique de Paris, au niveau du bois de Boulogne. Et quelques mois plus tard, on voit dans la correspondance administrative un certain affolement. Tout d'un coup, le préfet dit stop, on arrête tout. Toutes les études, tous les travaux, vous arrêtez tout. Le président de Gaulle a décidé de s'en saisir. Ça sera l'objet d'un conseil restreint en mai, je crois que c'est le 19 mai 1967. Un conseil restreint, c'est pas rien. Un conseil restreint, c'est un conseil qui réunit le chef de l'État, le Premier ministre et tous les ministres concernés par le sujet pour traiter normalement des sujets de haute importance. En général, ça va être les guerres coloniales, les guerres en général, des sujets économiques vraiment fondamentaux. Mais de Gaulle, étant de Gaulle, se prend d'une certaine passion monarchique, on va dire, pour l'aménagement urbain de la ville de Paris, notamment les Halles, qui sont le grand chantier de cette époque, mais également le boulevard périphérique de Paris. Il se fait présenter les maquettes à l'Élysée et va revoir ce sujet avec ses préfets, avec ses ministres, avec le Premier ministre, avec André Malraux. Tout le monde est là pour, entre autres, discuter des Halles et discuter du boulevard périphérique de Paris. Là où le mystère reste entier, c'est qu'au final, Charles de Gaulle suit les avis de ses préfets, il suit les avis du conseil municipal de Paris qu'il tient en très peu d'estime. On a des échanges, des minutes de différents conseils restreints consacrés à l'aménagement de Paris où on se rend compte que, en gros, il voit le conseil municipal de Paris comme étant un lieu de presque de corruption, en tout cas de vénalité, de petite magouille, et que De Gaulle souhaite que l'État soit l'État. Et l'État étant évidemment lui-même, se charge de toutes ces questions-là d'aménagement, mais in fine, le général de Gaulle valide finalement le choix pour que finalement ce tracé du boulevard périphérique au bois de Boulogne soit approuvé. Donc véritablement, aucun autre tronçon du périphérique n'aura été autant discuté. Cette œuvre est un succès. C'est un succès d'abord par rapport à sa destination. Pierre Messmer, Premier ministre, sous le tunnel de Saint-Cloud, le 25 avril 1973. La raison d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris. Cet objectif est déjà largement réalisé. Dès maintenant, il est préférable pour les véhicules qui veulent traverser Paris sans s'y arrêter de faire la moitié du tour de Paris plutôt que de traverser la ville du nord au sud ou de l'ouest à l'est. C'est un mécanisme très connue en urbanisme, dont j'ai oublié le nom, mais plus on construit de routes, plus elles sont grandes, plus elles sont larges, plus on a de trafic automobile. Au contraire, plus on a des routes grandes, plus on a de voitures, plus on a de personnes qui vont travailler en voiture. Et c'est ce qui se passe, 70, 71, 72. C'est assez marquant le jour de l'inauguration du boulevard périphérique, en avril 1973. On a un reportage à la télé qui montre à quel point le périphérique est déjà embouteillé et qui fait la pub pour le super périphérique, qui est ce projet de périphérique privé qui aurait été construit en hauteur au niveau de la Porte de Vanves, Porte d'Italie. Effectivement, vous avez raison de rappeler ce moment précis, 1973, ouverture de la boucle complète. Je me souviens de trouver dans les archives un article de Journal de l'Humanité qui narre le périple du périphonaute en orbite autour de Paris, et en vérité, il se retrouve très vite dans les embouteillages. Donc déjà, la voirie est saturée. Dès avant la livraison d'ailleurs du dernier tronçon, l'ingénieur René Sargère rêve de créer un super périphérique en aérien au-dessus du boulevard périphérique, avec des immenses piles en béton qui pourraient rappeler le grand mât du stade olympique de Montréal construit dans les années 70. Des grandes piles inclinées comme ça qui portent un tablier, même un double tablier, puisque Sargère imagine qu'on peut aller dans le sens des aiguilles d'une montre sur un tablier haut et dans le sens inverse sur un tablier bas. Donc on imagine à peine les ouvrages d'interconnexion qu'aurait nécessité une voirie pareille pour pouvoir atterrir, si je puis dire, à telle ou telle porte. Sargère sera contesté violemment par des étudiants en architecture qui considèrent qu'il est invraisemblable d'imaginer des choses pareilles. Et ces maquettes seront détruites, si je me souviens bien, le jour même ou la veille de la présentation à la presse. Donc c'était en 1969. À ce moment-là, on se rend compte que toutes ces solutions modernes n'apportent pas un confort de vie, qu'au contraire, elles sont accompagnées d'un cortège d'externalités négatives qui rendent la vie finalement encore plus difficile. Cet objet démocratique qu'est le boulevard périphérique n'est finalement pas ce qu'il a promis d'être, et que l'avenir c'est plutôt le RER, le métro, que tout le monde le subit, que personne vraiment n'en veut. Et moi j'ai pas fait un choix de quitter Paris parce que je trouvais ça sympathique là où j'allais habiter, je l'ai fait vraiment, c'était un choix économique. J'ai pas tellement apprécié, ça me manquait, Belleville me manquait énormément, je trouvais ça trop calme là où j'habitais, et j'avais vraiment un problème avec ça, je sortais très peu dans le quartier, et je suis à un endroit que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que je suis dans une rue où je suis sur le trottoir de Bagnolet, le trottoir d'en face c'est Montreuil, et en bas de ma rue c'est Paris. Donc quand on me demande où j'habite et que je suis à l'étranger, je dis Paris. Et quand je parle à des gens du Seine-Saint-Denis, je dis Bagnolet. Et quand je parle à des gens qui sont de la région, je dis Montreuil, parce que tout le monde connaît Montreuil et voit où c'est. Mais en fait, j'habite à Porte de Montreuil. Passer le périph', ça a été, mine de rien, il y a cette barrière psychologique très parisienne et totalement stupide que moi j'ai vécu et que tout le monde vit. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un pas, et il y a eu à une époque, une impression de déclassement, parce que on se dit, si on quitte pour quelques centaines de mètres Paris, on n'y reviendra jamais. Et donc, il y a cette peur-là de s'éloigner, finalement, des choses. Et moi, je me souviens que la première année où j'habitais là, j'avais une amie qui habitait dans le 19e. Elle devait venir dîner, et puis elle m'avait dit, non, je crois que je vais rester sur Paris. Je vais pas venir. Et je trouvais ça absolument stupide. J'aurais habité dans le, je sais pas, dans le 14e arrondissement, alors que c'est très loin de chez elle, ça aurait été sans problème. Mais là, le fait de passer le périphérique, pour elle, c'était vraiment un problème psychologique. Comme quelque chose un peu d'inconnu, de dangereux. Et en m'intéressant à ce problème-là, j'ai découvert pourquoi les Parisiens ont peur de passer le périphérique. Parce que justement, c'est lié à cette histoire de fortification et de zone. Parce que finalement, la zone, les gens se réfugiaient, les brigands, les voleurs, les malfrats, ils allaient dans la zone aussi. Il y avait des bandes qui étaient à Paris et qui allaient se cacher dans la zone et sur les fortifications. Donc la zone, quelque part, a toujours été un endroit dangereux. Et pour la traverser, on pouvait se mettre en danger. Il y avait des bandes, des Apaches qui étaient dans la rue des Orteaux, dans le 20e arrondissement, et puis ils venaient se réfugier immédiatement après, à quelques centaines de mètres de là, dans les fortifications. Donc le Parisien, j'ai l'impression que le Parisien est resté inconsciemment dans cette image de la zone et de se dire il faut traverser une zone dangereuse, alors que cette zone, maintenant, c'est un périphérique avec des voitures, mais il y a quand même cette idée de danger, parce qu'il faut traverser, il y a ce passage qu'il faut faire, et ce passage, finalement, même si on prend le métro et qu'on est dessous, on n'en perçoit pas, mais il y a un passage quand même psychologique qui est dangereux. Donc, aller habiter de l'autre côté de ça, il faut passer en permanence la muraille, plusieurs fois par jour, quand on rentre chez soi, et cet espace-là reste inconsciemment et consciemment menaçant. Non mais sans blague, ça va pas la tête, non? Et comment que tu t'arrêtes quand je suis pas là, peut-être? Allons, voyons, cher ami, ne soyez pas nerveux pour si peu. Du calme, voyons, du calme. Ne nous fâchons pas, voulez-vous? Ça ne sert à rien, rien du tout. Pour si peu de choses, nous n'allons pas nous fâcher. Et c'est là la vérité, voyez-vous. Ne me poussez pas, je vous prie. Que faites-vous de la courtoisie? Allons souriez, ça vaut mieux que de se fâcher. Et puis c'est fini, partons, vos amis. Soyez calme. Soyez décontractés. Ne nous fâchons pas. Lisez le journal du soir. Ne nous fâchons pas, voulez-vous? Ça ne sert à rien, rien du tout. C'était soudain le périph avec Justinien Tribillon, André Lorty, Julien Donada, Marie-Jeanne Dumont et Mathieu Fournier. Archivina Denis Forget, documentation musicale Antoine Vuillose, prise de son Éric Audra, Virginie Lorda, Marc Garvenès, Johanna Grabitsch, Andreas Jaffray, Jean-Guilain Meige. Mixage Jason Taous, stagiaire Malo Toquet, attaché d'émission Marie-Bonne Bolivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Kervran, Le Périph, après tout, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Benjamin Hu. Soyez calme. Soyez décontractés. Ne nous fâchons pas. Lisez le journal du soir. Ne nous fâchons pas, voulez-vous? Ça ne sert à rien, rien du tout. Pourquoi se créer des ennuis et des soucis? Ne nous fâchons pas, allez, c'est fini. Collection, ils l'ont vécu. Dans cette nouvelle saison, retour en archives et en témoignages sur le 19 avril 1943. Ce jour-là marque le début du soulèvement de la population juive contre les troupes allemandes, dans un quartier de la capitale polonaise, le ghetto de Varsovie. En 1942, on savait que les gens partaient à Treblinka, qu'ils étaient gazés. Collection Ils l'ont vécu, saison 6. L'insurrection du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943 de Johanna Schebitz, réalisée par Laure-Hélène Planchet sur francecultures.fr et l'appli Radio France.